Parce que tu sais combien je t'aime. Tu te joues de moi comme d'un enfant qui n'a de cœur que pour toi-même. Et me fais souffrir bien souvent. Tu n'as pas pitié de ce pauvre fou qui voudrait tant te donner. Oh, malgré moi, j'accepte tout pour avoir enfin le droit de t'aimer. Parce que tu sais que ma vie même ne serait plus rien si tu me quittais. Parce que tu sais combien je t'aime. Tu te moques bien de mon pauvre cœur. Que tu sais que rien au monde ne m'empêchera de te pardonner. Fais de moi ce flot qui gronde, mais qu'un seul regard peut briser. Toi pour qui mes nuits pleure de douleur, toutes mes joies sont meurtries. Garde-moi dans ta chaleur pour chasser la peur qui ronge ma vie. Parce que mon cœur sera le même du temps qui se passera. Parce que tu sais combien je t'aime. Donne-moi l'amour que j'attends en vain.